Chapitre 28e. La pluie, une de ces pluies compactes, solides, qui dans les montagnes semblait moins être un caprice de la nature qu'un baiser de rideau descendu à heure fixe entre une saison et la suivante. Derrière ce rideau, on avait la sensation d'un immense changement de décor, d'un remue-ménage de la mise en scène, depuis les nuages fondus en neige sur les cimes jusqu'aux draps et aux matelas prenant l'air sur les balcons des fenêtres d'hôtels déserts. Ces images ne s'accordaient que trop à l'humeur de Boyne. En ouvrant ses volets le lendemain de la visite de la princesse, il sembla à Boyne que c'était elle qui était venue suspendre le brouillard devant le paysage. Il avait peur de tout, du facteur, des conseils de son propre bon sens, peur de Judith surtout, et de voir ses appréhensions doublées par celles de la jeune fille. Le pire est qu'il n'y avait pas à se le dissimuler, quand tous leurs bourreaux leur laisseraient la paix. Impossible de songer à s'attarder dans les montagnes. Alors que s'annonçaient les bourrasques d'automne, c'était risquer la santé de Terry, et puis tous les hôtels et les pensions qu'elle allait rouvrir à Noël pour les sports d'hiver se préparaient à fermer pour la période de nettoyage et d'aménagement annuel. Passé la mi-octobre, plus de clients jusqu'à l'arrivée des skieurs et des lugeurs de la nouvelle année. Si l'on avait la chance de garder la petite équipe, le mieux serait sans doute de la transporter à Riva ou à Méran jusqu'au moment où, avec l'hiver, le beau temps se réinstallerait dans la montagne. Boyne faisait ses plans avec une minutie fébrile, comme ces projets qu'on fait au chevet d'un mourant qui ne les verra jamais réalisés. Il y trouvait une espèce de confiance et une sécurité factice, comme il arrive de se dire auprès d'un malade déjà perdu « Nous verrons demain ce que le docteur pensera du midi ». Judith et l'institutrice approuvaient son idée et parlaient d'aller retenir des chambres à l'hôtel. Mais décider un hôtelier à loger cet enfant était une chose si difficile que les deux femmes se rabattirent sur la location d'une villa à bon marché. Depuis le drame du poisson rouge, les rapports s'étaient gâtés avec la propriétaire et elle désespérait d'en amadouer une nouvelle, aux débeautés, quand la saison d'automne battait son plein. Il était convenu qu'elle prendrait une auto avec Boyne et se rendrait à Méran pour explorer le terrain. Mais à la réflexion, Boyne n'osa pas laisser les enfants seuls avec les bonnes, même pour la journée. Le danger menaçait de tous côtés. Il suffisait d'un courant d'air pour emporter le nid épargné par les brises de l'été. Et Boyne, le cœur lourd, se mit en devoir de convoquer un nouveau conseil de guerre à Rosenglue. Comme il sortait, le portier lui tendit un télégramme. Il courut à la signature. Il lut Sarah Mervyn. Le texte disait « Serais heureuse recevoir chers petits-enfants en attendant règlement d'affaires des parents. » Impossible assumer responsabilité, beaux enfants, lettre suit. Dépêche d'homme d'affaires, grommela Boyne en la chiffonnant. Voilà pourquoi elle a pris tant de temps à composer. Encore un pilier qui s'en allait dans ses fragiles espoirs. Ces gens-là sont des impulsifs quand il s'agit de leur plaisir. Quand il s'agit d'autrui, ils font venir leur avocat, se dit-il avec amertume. Mais au fond du cœur, on ne peut pas dire qu'il était surpris. Madame Mervyn n'était plus jeune et à son âge, on n'aime pas à s'encombrer. Et puis, était son affaire d'aller se mettre sur les bras des enfants qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et dont les parents ne demandaient pas mieux que de se charger, la pauvre dame. Ce n'était pas la peine, pour expliquer son attitude, d'invoquer, comme faisait Judith, la pension qu'elle recevait de Clive Water. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle pouvait faire d'autre, conclut Boyne le Juste, dans son interminable discussion avec l'autre Boyne, le passionné et le sentimental. Décidément, il n'avait fait que rêver avec cette petite. Comment avait-il pu se prêter à cette folie? Allons, ce n'était plus le moment. Elle restait à le faire comprendre à la jeune fille. D'un pas lourd, il prit sous la pluie le chemin de la pension. Judith le guettait à la fenêtre. Elle ouvrit et le conduisit au salon où boudait le feu maussade qui répandait un flot de fumée âcre. « C'est toujours comme cela, expliquait la propriétaire. Le poêle fume toujours à la première pluie, s'il n'y a pas un peu de vent pour faire courant d'air. » Par malheur, ce jour-là, il n'y avait pas un souffle. « Tant pis, laissons la fenêtre ouverte, » dit la jeune fille à Boyne. Elle était inquiète et avait mauvaise mine. On voyait qu'elle s'était rongée de son côté. Boyne décida de lui cacher ses propres appréhensions. « Eh bien, Judy, mon enfant, » lui dit-il gaiement, « nous sommes toujours là. On tient, pas une brèche dans nos lignes. » La princesse est partie. « Je viens de la mettre dans le train, il y a une heure. » Les yeux de la jeune fille brillèrent, Mais cette lueur s'éteignit aussitôt. « Pas de télégramme ?» demanda-t-elle. « Et vous ?»« J'en ai un de maman, le voici. » Elle lui tendit le papier d'une main fiévreuse. « C'est cela, » pensa Boyne avec colère. « Cette vieille Mervyn est de mèche avec sa fille. Elles s'entendent lâchement. » Et il se représentait tous ces grands et ces vieux coalisés contre la petite troupe d'enfants qu'il commandait. Et il sentit l'angoisse de la capitulation. Et pourquoi? Si seulement ils s'étaient souciés de leurs enfants. Dans ce cas-là, malgré le chagrin de Judith, on se serait trouvé dans des sentiments naturels, mais non. Ces pauvres petits n'étaient qu'un os qu'on se disputait. On se battait par amour-propre, comme dans une partie de cricket, ou dans un procès dont aucun des adversaires ne veut démordre. Le télégramme disait « Te donne l'ordre venir Paris immédiatement. Amen Chip. Ai besoin de te voir tout de suite. N'admets pas désobéissance. Télégraphie hôtel Nouveau Luxe. Maman. » Y avait-il entente avec la vieille Mervyn? Était-ce tout bonnement un nouveau caprice de Joyce? Impossible de le deviner d'après la teneur du télégramme. Boyne inclinait pourtant vers la seconde hypothèse et se sentait prêt à excuser à moitié la vieille dame. Peut-être ne l'avait-elle pas trahi et ne faisait-elle qu'obéir à ses propres scrupules? C'est tout? Vous ne savez rien de plus? Non, ce n'était pas tout. Nounou avait reçu la veille une lettre de Marguerite, la femme de chambre de Madame Wetter, personne d'expérience qui aimait à remplir des pages de bavardage. La jeune fille avait obtenu cette lettre de Nounou à l'insu de l'institutrice, car celle-ci, même dans les plus extrêmes nécessités, n'eût jamais admis que ses enfants allassent se renseigner, comme disait la princesse, chez des personnes salariées. Le journal de la femme de chambre était vague et très long. En deux mots, Madame Wetter avait rencontré à Venise un monsieur pas mal, plus âgé qu'elle. Marguerite était incapable de dire qui c'était, mais qui ne ressemblait à aucun des messieurs que l'on voyait ordinairement autour de sa maîtresse. « Qu'est-ce qu'il y a de particulier ?»« Il paraît qu'il a tout à fait changé, maman, » dit la jeune fille. « Il lui a fait lâcher Gérard, Edin. » « Et moi qui croyais qu'elle lâchait votre père pour Gérard ?» Judith était toujours parfaitement lucide quand il s'agissait d'expliquer les sottises de ses parents. « Les toquades de maman sont toujours des feux de paille. » Gérard, c'était pour elle un moyen d'embêter papa, et l'affaire du mariage une invention pour retenir ce garçon Lido après notre départ. C'est le genre Lido, ce type-là, et c'est ce qui rendait les autres femmes si furieuses. C'est toujours amusant, vous savez. En somme, maman a plus de bon sens que papa, qui tombe toujours sous la coupe d'une zigne à la crosse ou d'une cible Holmer. Maman, elle, se ressaisit de temps en temps, surtout depuis son aventure avec Buendelmonte. Alors elle a rencontré ce monsieur beaucoup plus âgé qu'elle, qui est un homme très religieux et immensément riche, et qui souhaite d'exercer sur elle une heureuse influence. Il paraît qu'il n'a pas envie de l'épouser. Alors, pour ne pas laisser Gérard sur le pavé, elle le garde comme secrétaire, et ils sont arrivés tous les trois à Paris pour voir ce qu'il y aura de mieux à faire. Le vieux monsieur dit à maman qu'elle devrait nous reprendre tous. Il paraît qu'il nous aime déjà et il a persuadé à maman que ce serait le bonheur si nous étions tous réunis. « Nous sommes fichus, » grommela Boyne. « Il ne reste plus qu'à savoir ce que vont faire la princesse et Lady Wrench. »« Ou bonne maman. » »« Il reste bonne maman, » reprit la jeune fille avec une lueur d'espoir. Il n'y avait plus moyen de différer. « N'y comptez pas, » dit-il, « j'ai de ses nouvelles. »« C'est vrai, Martine, et vous ne le disiez pas. »« Si elle voulait de nous, maman et ce monsieur n'auraient plus rien à dire. Elle ne refuse pas. » Sans rien dire, il tendit la dépêche et se dirigea vers la fenêtre pour ne plus voir la jeune fille. Il regardait le rideau gris, ce grand rideau de cataclysme qui le séparait des jours d'or. Puis, il prit son courage à deux mains et se retourna. Elle lui rendit la dépêche. « Vous vous y attendiez bien ?» lui dit-il. Elle dit oui de la tête. « En somme, » reprit-il, « c'est presque la même chose si l'on vous prend Bun et Beachy. » Elle resta quelques moments sans répondre. Puis, changeant tout à coup de ton, « Martine, » fit-elle impétueusement, « vous ne trouvez pas qu'elle n'avait pas tort, la princesse, de nous trouver furieusement retardataires? Si nous nous mettions à faire tout ce qu'elle dit, si nous avions des professeurs, des livres, si nous prenions quelqu'un pour montrer à Ben la gymnastique, on ne pourrait plus rien nous reprocher, n'est-ce pas, Martine, qu'on ne pourrait pas ?» Son visage, ses lèvres frémissantes, son front passionné, tout en elle, exigeait l'assentiment de son amie. C'est certain qu'elle avait raison sur beaucoup de choses. Ainsi, ce vieux bouquin de Scopi, par exemple. s'assure que cette pauvre chère Scopie est hantée diluvienne. Et puis, la gymnastique pour Ben. Croyez-vous que si nous prenions une villa à Meran, nous aurions de quoi faire équiper une chambre comme celle dont la princesse parlait? Avec un moniteur, c'est bien ce mot-là qu'elle disait. Et puis l'escrime, le cheval, là encore, elle avait raison. Mais tout de même, elle reprit haleine et ses yeux eurent la lueur du soleil qui cherche à percer le brouillard. L'essentiel, tout de même, c'est que les enfants sont bien portants. Regardez-moi ce que cet été en a fait, c'est un triomphe. Terry n'est pas reconnaissable, et Chip, ce n'est pas un prodige. Tout le monde arrête Nounou dans la rue pour l'admirer, et on lui donne au moins 3 ans. Il marchait à peine il y a 2 mois, et le voilà qui trotte comme un lapin. On ne peut plus le rattraper. Et toutes les petites malices qu'il apprend. Il fait des imitations. Je parie qu'il fera du cinéma. Vous l'avez vu faire le lion avec Bun pour dompteur, ou contrefaire le vieux de la place du marché, tout cassé de sciatique, qui marche courbé sur un bâton avec une main derrière le dos. C'est à se tordre. Attendez, Martine, je monte le chercher pour qu'il fasse le vieux devant vous. Plus trace de soucis. Elle ne respirait que l'orgueil enfantin des exploits de son frère. Se rase toujours ainsi, songeait Boyne. Ou la ville lui fermera-t-elle un jour les portes du royaume des fées? Que n'eût-il pas donné pour l'aider à garder ouverte l'entrée du jardin de son enfance? Peut-être ce bienfait se trouvait en son pouvoir. Il lui semblait qu'une main confiante se glissait dans la sienne. Le malheur des séparations qui menaçaient la jeune fille, peut-être dépendait-il de lui de l'écarter. Il la regardait avec une tendresse inquiète. « Chip a du génie. Je meurs d'envie de le voir faire le vieux bonhomme. Mais d'abord... » La jeune fille palpitait. Mais bientôt, son air radieux s'évanouit. Les lèvres se mirent à trembler. « Alors, lui demanda-t-elle, quel est votre avis ?»« Je crois qu'il faut partir pour Paris et voir votre maman. »« Avec Chip, y pensez-vous ? » ?»« Écoutez, mon enfant. » Il s'assit et la fit s'asseoir auprès de lui en lui parlant comme à un enfant qu'on raisonne un dimanche soir pour le faire entrer à l'école. « Écoutez, Judy, nous avons fait ce que nous pouvions. Nous n'avons rien à nous reprocher. Mais les enfants ne sont ni à vous ni à moi, ils sont à leurs parents. » Que c'était médiocre et pauvre ce qu'il disait là auprès de ce qu'il ressentait pour elle au fond du cœur. « Vous vous êtes laissé emberlificoter par cette Buen del Monte. Je m'y attendais, du reste. » Ma pauvre enfant, il y a une force des choses contre laquelle il est vain de se battre. Je n'avais pas besoin de la princesse pour me la prendre. » Elle ne répondit pas. Il restait silencieux, tâchant de deviner l'avenir, où il n'apercevait rien, sinon que c'était la fin de leurs espérances. Brusquement, la jeune fille abattit son visage contre les durs coussins du canapé et fondit en larmes. Ne sachant que dire ni que faire, Boyne s'approcha de la pauvre petite désolée et, se penchant vers elle, l'attira dans ses bras. Elle se laissa faire sans cesser de pleurer à gros sanglots entrecoupés, la tête appuyée contre son épaule. Il la tenait contre lui sans parler, sans oser toucher ses cheveux. Peu à peu, la crise passa et Boyne s'enhardit à passer doucement sa main dans les cheveux de la jeune fille. Elle était dans ses bras comme un petit oiseau apeuré. Il baissa la tête et souffla. Judy. Pourquoi pas, pensait-il, et son cœur faisait des bonds désordonnés dans sa poitrine. Je suis libre après tout. Je suis libre de jouer ma vie pour une folie, et quand cela serait? J'ai montré assez de raisons durant toute mon existence. On n'a que l'âge de son cœur. » Et de si près que ses lèvres touchaient presque l'oreille de la jeune fille, il murmura. « Judy, ma chérie, écoutez, peut-être qu'il y a un moyen. » Elle jaillit de ses bras et le regarda d'un air d'extase. « Un moyen de rester tous ensemble ?» Dieu, que c'était donc difficile de lui répondre. Il la fit rasseoir près de lui. Elle avait les traits si bouleversés, le visage si défait, qu'elle paraissait vieillie de 10 ans. Mais l'espérance brillait à travers ses larmes. Ah, pouvoir la garder, comme cela, sans parler, sans répondre autrement que par de douces caresses. Mais l'attente était peinte sur ce visage inquiet, dans ses yeux qui s'interrogeaient, et Boyne s'évertuait à trouver péniblement ses mots. « Judith, commença-t-il. Elle l'interrompit. Appelez-moi Judy, ou je croirais que ce sont encore de mauvaises nouvelles. » Prise d'un soudain effroi, elle se précipita sur lui et d'une voix angoissée. « Martine, vous n'allez pas nous lâcher, vous, si. » Il lui prit les mains. À présent, c'était les siennes qui tremblaient. « Non, chérie, non. Jamais je ne vous abandonnerai. Je resterai avec vous, toujours, si vous voulez. Si les choses se gâtent, je serai toujours là pour vous garder et vous défendre. Quoi qu'il arrive, rien ne nous séparera. » Il se tut. La voix lui manquait. Il voyait une aurore se lever dans les yeux de la jeune fille. « Alors ?» Elle lui prit les mains l'une après l'autre et les porta à ses joues encore humides dans un geste de béatitude. « Alors ?» « Madame Sellers, vous ne lui appartenez plus. » « Je n'appartiens qu'à vous, tant que vous voudrez de moi. »« Mon ami, » dit-elle, émue, heureuse en se serrant contre lui. Il n'osait bouger dans la douceur de ce contact et devant la métamorphose qui faisait de l'enfant la femme passionnée et tendre qui l'attendait. « Mon ami, mon cher ami. » Et, avec un visage de fiançailles, « Chère Martine, est-ce vrai ? Est-ce bien vrai que vous nous adoptez et que nous resterons ensemble toute la vie ?